Lil Flaky. Check mon putain Mikey. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Je suis redoutable, négro redoutable. Je suis redoutable, négro redoutable. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Je suis redoutable, négro redoutable. Je suis redoutable, négro redoutable. Grosse claque dans les faces, grosse bape dans les faces. Trop de window chapa, trop de window babouin. Qui veulent tester les refrains, les spliffs comme refrain. Ok c'est vulgaire, négro c'est la mer, négro. Trop de rappeurs face du lait, j'vitré. Arrête de flinguer ta team, arrête de chiter sur les vitrines. T'es numéro 1, combien de victimes et d'ennemis. Numéro 2, combien articule pas pour que j'encule. Négro fauché dans ma bulle, tu t'es fait dérailler dans ta bulle. Je suis trop vulgaire dans ma bulle. Blacky ici, mon numéro de Mikey. Je ferai ma clique et tu me suceras la bite. Baby c'est le négro, négro fais pas le beat. Il te niquera de lit, là les flingues dans des vamos. Alto sur les blaireaux. Dans mon sang y'a de l'air, dans ton sang y'a plus de la merde gros. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Je suis redoutable, négro redoutable. Je suis redoutable, négro redoutable. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Je suis redoutable, négro redoutable. Je suis redoutable, négro redoutable. Négro prend le morceau, Blacky check le Mikey. Ici c'est le bicelle de bis, c'est le négro. Je me lève avec du bif et genre le slam qui kiffe. Dormir avec les paroles de split. La street a toujours scotché, on n'a pas été niqué. Tu slam si ça, tu es traumatisé. Tu n'es pas traumatisé, négro tu es démodé. Teste pas Blacky, regarde numéro de planté. Mon numéro de niqué, calcaire ok. Nous on a les nerfs, trop vulgaire pour la merde. Trop vulgaire pour le père, ça c'était un cœur de pierre. Débarque avec les frères dans le monde millénaire. Je perds guerre, je fous de la merde. L'aime si parle de la terre, terre. Des millionnaires en guerre, rime pour la terre, terre. En direct sur bon mèche, on se grouille mal à l'aise. J'ai une gueule sur ma bite, on la vie c'est une pipette. Masterisé dans les 95 000 mètres. Je serais fier de l'avoir à 200 mètres. Mon flow veut bientôt la mettre, gros. Mon flow veut bientôt la mettre. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Je suis redoutable, négro redoutable. Je suis redoutable, négro redoutable. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Y'a pas de pitié, pas d'amitié. Je suis redoutable, négro redoutable. Je suis redoutable, négro redoutable.